écoutez Futur Simple au 89.1 et nous faisons maintenant une incursion inusitée dans l'actualité politique internationale et de l'armement. Car qui dit armement dit forcément science et technologie. Notre chroniqueur Philippe Rioux nous propose une comparaison des capacités nucléaires de la Corée du Nord et des États-Unis. Bonjour Philippe. Bonjour. J'ai décidé d'en parler parce qu'avec les récents remous causés par la Corée du Nord, là, j'ai décidé que j'aimerais revenir en fond sur les tactiques, les stratégies nucléaires présentes dans le monde en ce moment. Et je pense que ce petit tour d'horizon-là permettra de remettre un peu en perspective la menace réelle que pose la Corée du Nord et ses dirigeants-là. Parce que dans le fond, la vraie question ici est-ce que la Corée du Nord a une réelle capacité nucléaire? Oui, ben ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire par capacité nucléaire et de quelle étendue on veut vraiment parler, mais dans le sens que ils ont peut-être une ou deux petites têtes nucléaires disponibles. Uh-huh. Oui, ils ont une capacité nucléaire. Okay. Mais le problème avec les armes nucléaires, c'est surtout aujourd'hui, c'est de les livrer. En fait. Donc, c'est pas suffisant d'avoir une arme. Là. C'est vraiment ça le gros problème. Et le public focus souvent sur l'arme nucléaire en tant que telle, mais pas vraiment sur les moyens de livraison. Et c'est là que l'attention du haut commandement américain est plus située. C'est ici que la puissance des mots se fait sentir. Il suffit de dire le mot nucléaire pendant que les enclencher des réactions, ouais. Mais une arme nucléaire sans mode de livraison efficace, c'est pas réellement utile, en fait. Et un simple avion volant lentement au-dessus d'un territoire avec une arme nucléaire à son bord, c'est pas vraiment suffisant aujourd'hui comme ce que les Américains ont fait au Japon dans les années... en 1945. À moins que la puissance qu'on va y attaquer soit juste l'autre bord de la rue. Là. Oui, et qu'elle n'ait aucun moyen de défense. C'est ça, exactement. Mais est-ce que la Corée du Nord a les moyens de livrer une arme nucléaire de manière efficace? Là, c'est là que c'est moins clair, parce que on sait qu'ils ont des missiles à moyenne portée, ils les ont affichés, on sait qu'ils sont capables, ils ont fait d'ailleurs un essai de lancement il n'y a pas si longtemps, ils ont envoyé un objet dans l'espace qui a tournoyé de manière incontrôlable, mais quand même, ils ont été capables de l'envoyer dans l'espace. Et ces missiles-là peuvent atteindre le Japon et des îles contrôlées par les Américains. Le Japon, c'est quand même une cible relativement éloignée, mais c'est aussi un allié des Américains. Ils peuvent évidemment atteindre la Corée du Sud parce que c'est justement à l'autre côté de la rue. Séoul est vraiment, vraiment très, très proche de la frontière. Donc, disons que les gens à Séoul, ils se font assez à l'idée qu'ils sont, disons, la cible de choix la plus facile pour les dirigeants de la Corée du Nord. Mais ce qui est moins sûr, c'est la capacité réelle de la Corée du Nord d'attacher une arme nucléaire qu'ils ont à ce genre de missile-là. Et c'est là que c'est pas clair parce qu'il y a des limitations techniques à tout ça. Mais si on considère que la Corée du Nord a les moyens d'envoyer un missile armé d'une arme nucléaire, alors quel est le danger? Bien, c'est là que l'avance technologique de l'armement américain rentre en jeu, parce que non seulement les Américains possèdent un armement nucléaire beaucoup plus avancé, varié, puissant, précis, étendu, et il est réellement fonctionnel, là, leur armement, de manière générale, est tellement avancé qu'ils peuvent intercepter des missiles ennemis. Donc, les Américains sont, pour ainsi dire, deux mouvements en avant de la Corée du Nord. Non seulement ils peuvent répondre à leurs attaques, mais ils peuvent presque empêcher leurs attaques. Donc, l'armement nucléaire américain ne sera probablement pas utilisé. Non, parce que c'est pas... ils en ont juste pas besoin, en fait. L'arsenal nucléaire américain a été généré dans une course à l'armement et ça a été pensé dans une optique d'affrontement contre une puissance qui a une force nucléaire équivalente. Puis, ce que je veux dire par équivalente, la seule qui, en ce moment, a une force nucléaire équivalente, c'est la Russie, mais plutôt l'ex-URSS, en fait. Qui n'existe plus. Et ça vient, en fait, de la doctrine qu'on appelle MAD, en anglais. Qui veut dire Mutually Assured Destruction. Donc, destruction mutuelle assurée. Exact. Et les trois mots sont vraiment importants ici, là. Dans ce contexte-là, les Américains se sont assurés que même si une force ennemie envoyait une collection d'armes nucléaires sur leur territoire, qui détruirait toute leur capacité de frappe nucléaire en sol américain, les Américains seraient quand même capables d'envoyer des armes nucléaires sur l'agresseur qui les détruirait aussi. Donc, c'est là qu'on parle de destruction mutuelle assurée. Mais de quelle manière peut-on envoyer des armes nucléaires si toutes vos installations terrestres sont détruites? C'est là qu'il faut faire intervenir le non-terrestre, et selon moi, c'est là que la réelle puissance américaine et se trouve, c'est dans les sous-marins nucléaires américains. Les sous-marins nucléaires armés d'armes nucléaires, parce que le premier nucléaire veut dire qu'il fonctionne avec un système nucléaire. Donc, ils fonctionnent avec un générateur nucléaire, ce qui leur permet de rester sous l'eau pendant un ou deux mois sans refaire surface. Ils sont équipés de plus d'une dizaine de missiles intercontinentaux capables de détruire des pays en entier. Ils sont pratiquement indétectables. Ces sous-marins-là, ils patrouillent tranquillement la mer du monde sans interruption, complètement indétecté. Okay. Et c'est vraiment, dans ce cas-là, c'est vraiment pas un ou deux missiles nucléaires à peine fonctionnels qui effraient réellement le haut commandement américain. Puis effectivement, on sait pas où ils se trouvent, là. On sait jamais où ils se trouvent. Et il y en a probablement un ou deux en ce moment au large de la Corée du Nord. Donc, c'est presque assuré, là, en fait. Donc, est-ce que la capacité nucléaire possible des Nord-Coréens a un impact? Ben oui et non. C'est oui dans le sens qu'une arme nucléaire, ben ça fait beaucoup de dommages rapidement à un endroit précis, ça éradie une région. Si les Nord-Coréens détonnaient une arme nucléaire directement sur Séoul, le nombre de victimes serait catastrophique. On parle de millions de morts ici, là. Ça serait vraiment une catastrophe d'une ampleur incroyable. Mais non, dans le sens que cette attaque-là sonnerait de toute façon la fin de la Corée du Nord. En fait, parce qu'il y aurait une riposte. Il y aurait une riposte. Les Américains, par politesse et bonne foi, n'auraient même pas utilisé des armes nucléaires pour assommer en quelques heures les forces nord-coréennes. La capacité nucléaire de la Corée du Nord est tellement à des lieux d'être assez forte pour compétitionner les Américains. Ce n'est vraiment pas la même échelle ici. Donc, dans ce cas-là, l'impact de l'arme nucléaire ne serait que d'augmenter le nombre de victimes sud-coréennes, mais ça changerait pas l'issue de l'affrontement. Donc c'est comme une capacité nucléaire qui n'a d'effet que la peur et les dégâts, mais qui a pas réellement un impact stratégique. En fait, c'est une capacité nucléaire inutile dans le sens de gagner une guerre. Donc les Nord-Coréens sont complètement déclassés. Totalement. Là, la supériorité militaire américaine, là, c'est un fait qu'il faut respecter dans le sens froid du terme, pas dans le sens émotionnel, mais il faut au moins regarder les choses en face. Là. Non seulement ils possèdent les meilleurs équipements disponibles, ils les fabriquent, ils les designent, ils les ont en plus grande quantité, ils sont entraînés, ils ont des ressources pour maintenir cette force en action-là pendant de très longues périodes. On estime que la Corée du Nord peut faire fonctionner son armée pendant 2 semaines, seulement avec les réserves de nourriture et de carburant. Ça fait une grosse différence. Là. Et seulement pour vous donner une petite idée, le USS Midway, qui est un porte-avions américain, à lui seul, ce porte-avions-là a une capacité réelle de déploiement aérien équivalente à tous les autres porte-avions de toutes les autres nations mis ensemble. Mais attendez un peu. Le USS Midway, c'est un porte-avions musée immobile dans la baie de San Diego. C'est un vieux, là. Okay. Les Américains possèdent une dizaine de porte-avions d'une génération plus avancée qui sont en ce moment fonctionnels, qui sont tous nucléaires, d'ailleurs. Donc, ils peuvent eux aussi rester en mouvement à peu près sans arrêt, là. Donc les armes nucléaires, c'est pas vrai, c'est pas tout, là. Et ce n'est qu'une facette de la situation. Puis, ironiquement, il se pourrait bien que ce soit la pire idée que les dirigeants nord-coréens aient eu, soit d'acquérir simplement une bête arme nucléaire sans considérer tout le reste, là. Ben, je pense que ça remet les choses en perspective. Hein? Oui, tout à fait. Alors, on va espérer quand même que la stratégie de destruction mutuelle assurée ne sera pas appliquée, mais oui. ce serait étonnant, en fait. On n'est réellement pas en position d'avoir ce genre de choses-là, parce que il n'y a qu'un des côtés qui peut vraiment avoir un impact. Et pour les dirigeants militaires américains en ce moment, c'est un dilemme beaucoup moins lourd de conséquences, parce que quand on parlait d'affrontement nucléaire avec les Russes, on parlait de destruction mutuelle assurée. C'est ça. Et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment plaisant à penser, mais là, pour la Corée du Nord, c'est plus quelque chose de neutre, un peu plus léger, disons. Oui. Donc, ça serait une intervention militaire, mais qui n'aurait pas des conséquences, disons, aussi dramatiques. OK. Bien, merci beaucoup, Philippe, pour ces explications. Merci à vous. On va passer en publicité sur CKRL au 89.1. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la chimie des roues.